Absence de règlement intérieur, une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié doit être considérée comme illicite dès lors qu'elle ne figure pas parmi celles prévues dans le règlement intérieur. Est en conséquence nulle l'avertissement infligé à un salarié par une entreprise de plus de 20 salariés qui n'avait pas établi un tel règlement à la date du prononcé de la sanction. Ce salarié a obtenu en outre 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la notification d'un avertissement frappé de nullité. Notez que cette règle s'applique à toute sanction, sauf s'il s'agit d'un licenciement, le droit pour l'employeur de licencier étant en effet inscrit dans le Code du travail.